Énergie. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Est-ce que cette catégorie englobante, Dieu, est bel et bien valable pour parler des autres? Cette semaine, de la question religieuse. La notion de religion, en fait, est une notion moderne, est une notion qui date du 18e siècle, en gros. Monothéisme, polythéisme, un vocabulaire interrogé. Cette notion de monothéisme, comme celle de polythéisme, ne correspond à rien. D'ailleurs, la plupart des historiens des religions antiques rejettent ces notions et passent leur temps à en faire la critique. Quand on considère à partir d'où cette question commence sérieusement à se poser, on découvre qu'elle vient essentiellement des penseurs chrétiens. Bonjour, je m'appelle Daniel Barbu, je suis historien des religions, chargé de recherche au CNRS, au laboratoire d'études sur les monothéismes. Vous avez, il y a quelque temps de cela, préparé, organisé peut-être intégralement un colloque dont vous m'avez fait parvenir un enregistrement absolument passionnant, et c'est là-dessus que l'on va venir cette semaine, sur ces termes monothéisme, polythéisme. Vous naviguez dedans, vous et vos collègues, à longueur d'année, donc ça vous paraît tout à fait évident d'interroger ces termes-là, alors que pour nous, ils sont posés quelque part sur les pages des encyclopédies, ils ne doivent pas en bouger. Et vous dites non, bah pas du tout, au contraire, il faut reprendre ces termes qui sont là, qui sont posés là, et peut-être les réinterroger. Quelle a été la première intention du colloque? C'est celle que je viens un petit peu de résumer? Écoutez, l'idée était partie d'un constat, en fait, c'est que ce que vous dites concernant l'opinion commune, quant à ces mots, ces catégories qui concernent la religion, cette opinion commune, elle n'est pas seulement commune aux gens en dehors de l'académie, elles sont aussi très présentes à l'intérieur de l'académie, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a assez peu de collègues qui interrogent ces notions et qui essaient de comprendre finalement quand est-ce qu'elles sont survenues, qu'est-ce qu'elles impliquent en termes de séparation du travail entre spécialistes, par exemple, de ce que l'on appelle les polythéismes et de ce que l'on appelle les monothéismes. Or, on voit que ces catégories, qui, de mon point de vue, justement, sont somme toute relativement artificielles, ont un impact sur la manière dont on travaille dans un champ ou dans l'autre. Alors ma question, si vous voulez, d'où le point d'interrogation couronner le titre de cette rencontre, polythéisme, monothéisme, des catégories pertinentes pour l'histoire des religions, point d'interrogation, c'était justement finalement quel est l'apport de cette division et quelles sont ses apories. D'un côté, je conçois qu'il soit nécessaire d'aborder différents phénomènes avec des outils et des questions qui ne soient pas les mêmes. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on perd, si vous voulez, en ne les mettant pas en contraste, en ne les mettant pas en confrontation les uns avec les autres. Est-ce que ces mots, à l'évidence, oui, mais j'aimerais que vous nous le précisiez, Daniel Barbu, ont une histoire, monothéisme et polythéisme? Est-ce qu'ils sont là de toujours, ou au contraire, font figure à un moment, enfin, apparaissent dans le vocabulaire, d'où la nécessité, sans doute, de les réinterroger à un certain moment, le moment que nous vivons, et que vous vivez particulièrement en ce moment, notamment en tant que chercheur? Oui, alors évidemment, ce sont des mots qui sont des fabrications relativement modernes, en vérité. Le mot polythéisme apparaît quelquefois dans l'Antiquité. On le trouve, par exemple, chez Philon d'Alexandrie, un philosophe juif du 1er siècle de notre ère, lorsqu'il parle des autres dieux, des Grecs, des Égyptiens et de leur manière de pratiquer ce que nous appelons la religion. Ce sont les autres. Ce sont les autres. Il note effectivement que, contrairement aux Juifs, les autres vénèrent plusieurs dieux. De ce fait, ils sont polythéistes. Bon, c'est un mot qui n'a pas eu un grand succès, parce que si vous voulez, un autre mot qui s'est imposé dès l'Antiquité et qui aura une longue histoire pour parler de ces autres, c'est plutôt le mot d'idolâtrie, d'idolâtre. C'est-à-dire la notion que finalement, ces peuples qui sont ni chrétiens, ni juifs, et plus tard ni musulmans, qui vénèrent, selon des modes de vénération, de piété traditionnelle, les dieux de leur cité, etc., sont en fait des gens qui sont dans l'erreur religieuse. Oui, on entend derrière ce second terme d'idolâtre un jugement que le polythéisme, que le terme polythéisme ne semble pas porter en lui-même. Voilà, exactement. Donc, mais pendant très longtemps, en fait, le regard sur les autres religions, les religions traditionnelles, si vous voulez, de la Méditerranée, est un regard posé par des auteurs juifs puis chrétiens et est un regard polémique. Et donc, effectivement, derrière cette notion d'idolâtrie, il y a une polémique, il y a une idée de fausse religion, de vénérer des dieux qui n'en sont pas vraiment, qui sont soit des statues dépourvues d'âme et de raison, soit en vérité des démons qui prennent prétexte de ces statues pour se faire adorer par les hommes et les détourner du chemin de la vraie religion. Ce qui est assez curieux, c'est que le monothéisme, ou disons les peuples à un dieu venant relativement après les peuples à plusieurs dieux, se permettent de faire ce type de remarques. Comme si la vérité finissait par arriver plus tard, une fois qu'on avait écrémé les choses relativement postables. Oui, tout à fait. C'est ce que l'égyptologue Yannas Mann a appelé la distinction mosaïque, c'est-à-dire cette idée que la notion de vraie religion apparaît à un moment dans l'histoire. Il lit ça à l'affaire d'Akhenaton en Égypte ancienne, puis à l'exode des Hébreux et de Moïse hors d'Égypte. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit apparaître cette notion qu'il existe une vraie manière d'honorer le vrai Dieu et au-delà des frontières de ceux qui l'honorent, une espèce de ramassis, comme dit Paul dans le Nouveau Testament, d'ivrognes, de gens qui s'adonnent à la promiscuité et qui sont en plus idolâtres, c'est-à-dire cette espèce de monde extérieur qui n'a pas de morale et qui vénère des faux dieux et qui est en fait sous l'emprise des démons. De quoi se débarrasse-t-on ? Est-ce qu'on se débarrasse tout à la fois et des dieux, mais surtout peut-être avant tout des rituels ? Ou est-ce un ensemble ? C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Ouais. C'est-à-dire que l'on considère généralement que les dieux, c'est-à-dire si l'on regarde les textes chrétiens anciens des deux, trois premiers siècles de notre ère qui commencent à théoriser, à réfléchir sur cette question, on voit qu'ils réfléchissent beaucoup à la question de savoir qui sont finalement ces dieux, entre guillemets, polythéistes, que les autres vénèrent. Et ils ont là-dessus toutes sortes de théories. Alors ce sont effectivement soit des démons, soit des rois anciens qui ont été vénérés suite à leur mort. Il y a souvent une combinaison des deux. Cet esprit démonologique rencontre ces théories que l'on appelle évéméristes. C'est un terme qui désigne, si vous voulez, cette idée que les religions sont nées ou que les dieux sont nés à un moment donné parce qu'on a vénéré des êtres humains qui étaient importants, qui étaient des rois, qui ont fait des découvertes importantes et qui sont morts. Et donc leur mémoire a perduré à travers l'institution de rites en leur honneur. Alors on appelle ça évémérisme parce qu'on trace, si vous voulez, cette idée à un auteur du 3e siècle avant notre ère qui s'appelait Évémère et qui a écrit une sorte de version rationalisée, entre guillemets, de la mythologie grecque dans laquelle Zeus et compagnie étaient tous en fait des hommes qui ont vécu dans les temps anciens et qui étaient des rois et des personnages importants qui ont été divinisés. Et donc cette théorie-là est réappropriée plus tard par les auteurs chrétiens, qui expliquent eux aussi de cette manière, entre autres, les origines des dieux de la mythologie grecque. Mais s'ajoute à cela l'idée que les démons, qui avaient une connaissance approximative de la vérité, parce qu'ils étaient à l'origine proches de Dieu avant d'être chassés, si vous voulez, du firmament, sont intervenus et ont fait en sorte que les récits de la mythologie ressemblent un petit peu à l'histoire du Christ sans être tout à fait la même. Et donc c'est pour ça aussi que, si vous voulez, la mythologie ressemblait parfois à l'évangile. Donc c'est une manière en fait de pratiquer une forme de comparaison entre les religions et d'expliquer, à travers des notions qui sont certes théologiques, polémiques, apologétiques, mais d'expliquer pourquoi il y a tant de récits qui ressemblent aux récits, entre guillemets, vrais, et où ils se ressemblent et où ils ne se ressemblent pas. Parce que finalement, il y a toutes sortes d'aspects qui sont soulignés dans la mythologie grecque, comme par exemple la promiscuité sexuelle, l'adultère permanent de Zeus et tout ce type de choses qui montrent à quel point, en fait, ces récits-là sont faux lorsqu'on les compare au vrai récit qui est celui du Christ. Donc ça, c'est la perspective, si vous voulez, chrétienne sur les autres religions, qui impose cette notion qu'à partir du moment où l'on a plusieurs dieux, que l'on vénère des statues de ces dieux, l'on est dans l'idolâtrie ou dans ce que plus tard l'on appellera le polythéisme. Au tout début, Le chaos régnait en maître dans l'univers. C'était un néant vaste, sombre et incommensurable. Un endroit, ou plutôt un état, obscur et un désordre ténébreux. Selon le poète grec Hésiode, le chaos était un abîme sans début ni fin, qui existait seulement pour recevoir un contenu. Ce contenu prit la forme de deux entités engendrées par le chaos. Nyx, la déesse de la nuit, et Ereb, le dieu des ténèbres et de l'obscurité. L'union de ces deux dieux donna naissance au dieu de l'amour, Eros, ainsi qu'à Hémera, la déesse symbolisant la lumière du jour, et Éther, le dieu personnifiant l'air supérieur dans le ciel. Au même moment, le chaos engendra la déesse de la terre, Gaïa, et Tartare, le dieu symbolisant l'abysse infernal sous la terre où les pires criminels de la mythologie grecque étaient enfermés. La légende raconte que Gaïa était si fertile qu'elle arriva seule à donner naissance à Uranos, le dieu tout-puissant du ciel, ainsi qu'à Pontos, le dieu symbolisant la mer. Pour les anciens Grecs, Gaïa était vue comme une mère universelle, car elle avait donné naissance à la plupart des dieux et des déesses primaires. Uranos avait enveloppé Gaïa de son corps céleste, et ensemble, ils eurent premièrement les Cyclopes, qui étaient au nombre de trois, Brontès, Argès et Stéropès. Ensuite, ils eurent les Hécatonchires, ces monstres colossaux, dotés de 50 têtes et de 100 bras. Ils étaient également au nombre de trois, Kotos, Briare et Gies. Puis finalement, ils eurent les Titans. Alors, ces mots eux-mêmes, polythéisme, monothéisme, si vous voulez, ils refont surface, surtout au XVIe, XVIIe siècle. Daniel Barbu, historien des religions. Le grand changement qu'il y a eu, évidemment, au XVIe siècle, c'est la découverte de l'Amérique. Et la découverte que ces traditions, entre guillemets, idolâtres qui existaient dans l'Antiquité, que l'on avait oubliées, si ce n'est dans des reliquats, des textes anciens, chez saint Augustin, chez Lactance, mais les religions traditionnelles de la Méditerranée étaient mortes. On débarque en Inde, en Chine, en Amérique. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Eh ben, on trouve des idolâtres. Ouais. Et les auteurs, les chroniqueurs, si vous voulez, de la découverte, le répètent sans cesse. Ce que l'on redécouvre dans ces confins du monde, c'est ce que l'on avait perdu chez soi. Vous voyez, c'est le thème d'un livre dont on a récemment collaboré à l'édition « L'inconstance de l'âme sauvage » de l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, qui est paru... maintenant chez Labor et Fides, et qui s'ouvre sur cette analogie du poète et jésuite missionnaire Veira, qui explique dans l'Antiquité, si vous voulez, le travail des missionnaires chrétiens était à quelque part plus simple, car ils avaient affaire à des peuples de marbre. C'est-à-dire, c'était des peuples qui étaient bien solides dans leur tradition religieuse, qui étaient des peuples durs à forger, à tailler à l'image de la nouvelle religion chrétienne. Donc, il a fallu faire un grand effort pour christianiser ces anciens peuples idolâtres, païens de la Méditerranée, de l'Europe. Mais une fois qu'ils sont taillés, une fois que la chrétienté est établie, eh bien, les choses sont faites. Tandis que quand ils arrivent au Brésil, notamment, ils sont confrontés à des peuples qui sont eux aussi sauvages, eux aussi païens, eux aussi idolâtres, mais qui sont d'une nature tout à fait différente, parce qu'ils sont faits de buissons. C'est-à-dire que le jésuite taille, recoupe et essaye de donner forme à ces peuples qui, du jour au lendemain, leur disent « nous acceptons pleinement la vérité du Christ, pas de problème, on achète, on prend ». Et le lendemain, le buisson se remet à pousser, ça recouvre tout, c'est tout à fait instable. Et donc c'est là qu'intervient ce trope, si vous voulez, de l'inconstance de l'âme sauvage, où les missionnaires actuels sont confrontés à des peuples où le travail de mission est éminemment plus difficile, parce qu'on ne cesse de tailler, de retailler, de couper les branches qui dépassent de tous les côtés. Et finalement... on est tout le temps confronté à cette espèce de mélange avec des peuples qui acceptent de reconnaître le fait que Jésus est effectivement Dieu, mais qui en même temps refusent d'abandonner des coutumes comme le cannibalisme, la guerre, la polygynie et ce genre de choses. Et donc c'est dans ce contexte des découvertes, si vous voulez, que ces réflexions semblent toutes anciennes sur le rapport entre la vraie religion et les autres, les idolâtres, etc., revient sur le devant de la scène, et au bout d'un moment où l'on va chercher à le redéfinir dans des termes qui soient peut-être un peu moins polémiques ou apologétiques. Et ça, ce sera plutôt le travail du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec les Lumières, avec des gens comme Hume, par exemple, David Hume, qui a écrit un traité sur l'histoire naturelle de la religion, dans lequel, effectivement, il se développe toute une réflexion sur le rapport historique entre ce qu'il appelle polythéisme, monothéisme, et qui renverse le schéma traditionnel qui était celui depuis l'Antiquité, à savoir que le schéma biblique, l'homme descend d'Adam et Ève, et donc sont originellement monothéistes. Et puis ensuite, les religions ont dégénéré à travers le temps pour se multiplier jusqu'à ce qu'enfin, il y ait d'une part la révélation mosaïque, d'autre part l'incarnation du Christ, et donc que les choses, l'histoire, si vous voulez, ait repris un cours qui nous ramène vers la vraie religion. Eh bien, Hume est le premier à dire « peut-être les choses n'étaient-elles pas aussi simples ?» ou l'un des premiers à dire « peut-être les choses n'étaient pas aussi simples » et que le polythéisme ou l'idolâtrie était en fait la religion première de l'humanité. Cette semaine, monothéisme, polythéisme, un vocabulaire interrogé. Daniel Barbu, ce que vous nous exposez dans la première partie de l'entretien laisse entendre que, à compter du XVIe siècle, ce sont les observateurs de terrain qui vont faire avancer les idées, les concepts, tout simplement parce qu'ils sont confrontés au buisson sans cesse renouvelant, alors que quand on avance dans le temps, il faut un moment passer par un philosophe ou un penseur, plus exactement David Hume. À quel endroit joue celle que l'on considère de premier abord comme étant celle qui dicte l'ensemble, c'est-à-dire l'autorité religieuse? Est-ce que l'autorité religieuse, j'entends au sommet de la pyramide, joue un rôle? Et si oui, quel rôle joue-t-elle là? Or, c'est un peu compliqué, parce que parmi les facteurs qui, si vous voulez, marquent une sorte de scission dans la manière dont on pense les religions et l'histoire des religions à l'époque moderne, il y a certes les découvertes qui jouent un rôle immense, parce que tout d'un coup, vous êtes confronté à des centaines d'exemples de peuples qui pensent différemment de ce que l'on avait conçu comme étant normal jusque-là. Mais les autres facteurs, c'est bon, l'essor de la philologie, de l'histoire, de la science moderne à la Renaissance. On redécouvre aussi, de manière plus précise, les textes anciens. On se met à étudier de manière plus approfondie l'hébreu pour essayer de comprendre les origines de la Bible, définir quelle est la langue originale de la Bible. On se pose la question de savoir, au fond, qui l'a écrit. Donc ce type de réflexion alimente aussi une espèce d'auto-distanciation vis-à-vis de la tradition religieuse. En tout cas d'introspection. En tout cas d'introspection. On pense évidemment à d'autres philosophes comme Spinoza qui posent pleinement la question de dire « Mais finalement, qui a écrit la Bible si ce n'est pas Moïse, vu que la Bible décrit la mort de Moïse ?» Alors c'est une question qui a des racines plus anciennes, mais que lui formule de manière explicitement critique pour se demander finalement qui sont les êtres humains, les hommes qui ont mis par écrit ces traditions auquel on accorde une autorité divine. Et la deuxième question qu'il pose, évidemment importante, c'est celle de l'autorité, si vous voulez, de la légitimité de l'argument des miracles. Évidemment, une question que Hume reprendra. Là, il y a toutes sortes de questions, des liens entre Spinoza et Hume, mais la question de savoir si l'on peut fonder l'autorité d'une tradition religieuse sur des miracles est une question qui se pose aussi dans ce contexte. Donc, si vous voulez, le retour vers les Écritures, le retour vers les textes anciens, joint à la question des découvertes, est un deuxième facteur d'émergence de la critique moderne. Et le troisième facteur, c'est le fait que la chrétienté elle-même s'est scindée. C'est-à-dire un monde qui était relativement unis ou qui se concevaient comme relativement unis pendant toute une partie du Moyen-Âge se trouvent tout d'un coup fracturés avec des gens qui s'invectivent les uns les autres et notamment se traitent d'idolâtres, c'est-à-dire de peuples ayant des fausses religions. Et là, on pense par exemple à la polémique protestante contre les catholiques, pour qui les catholiques sont un autre exemple d'une religion qui a dévié de son cours et qui est devenue une forme d'idolâtrie, de papolâtrie. Et là, il y a tout un vocabulaire qui se développe. Et donc, évidemment, il y a toutes sortes de personnes qui sont prises à l'intérieur aussi de ce développement-là et qui commencent à réfléchir au-delà, si vous voulez, des idées acquises de vraies religions, de bonnes religions, d'idolâtrie, d'histoire des religions. Donc il se développe là toute une réflexion finalement qui va commencer à interroger ces notions, à les remplacer par des notions peut-être un peu plus objectives ou entendues comme plus objectives, et notamment le terme de polythéisme qui fait son grand retour à ce moment-là justement pour se débarrasser un peu de cette notion d'idolâtrie qui garde des connotations trop polémiques. Et ce grand retour, il est opéré par qui ? Par des individus ? Par une institution ? Non, il est opéré par des individus, par des philosophes comme Hume, etc. Ou ensuite les chercheurs qui vont encore aujourd'hui se concentrer, si vous voulez, sur ces religions de la Méditerranée ancienne, par exemple, et dire, écoutez, non, on ne peut pas utiliser un terme comme idolâtrie pour définir ce sur quoi nous travaillons. Il nous faut des termes plus techniques. Ce sont des polythéismes. C'est un terme qui donne une sorte de légitimité au champ d'études. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que ce que l'on avait appelé jusqu'à présent l'idolâtrie se scinde aussi. Dans l'univers conceptuel des auteurs de cette époque, ce qui émerge, c'est que l'idolâtrie nécessite elle aussi d'être divisée en sous-provinces qui pourraient être étudiées indépendamment les unes des autres. Ça, on est beaucoup plus tard dans le temps, 19e, non ? On est au début du 19e, mais ça commence un peu avant lorsque... Bon, il y a une longue histoire de cette critique, si vous voulez, mais je repense à une phrase de Voltaire qui disait « On sait même pas qui a inventé les chaussures, et puis ça fait des siècles qu'on nous bassine pour savoir qui a inventé les idoles. » Et si vous voulez, lui, il le dit de manière explicite déjà, il dit « Écoutez, ce mot-là ne signifie rien. » Il n'y a jamais eu ni grec ni romain qui ait dit « nous sommes des idolâtres », ces gens-là étaient polythéistes, ils vénéraient plusieurs dieux, et puis finalement c'était tout à fait légitime, ça faisait partie de leur tradition. Et donc, au lieu de mettre tout le monde dans le même sac, parce que c'est ça qui se passe avec les découvertes, c'est que lorsqu'on dit qu'on a redécouvert en Amérique, en Chine, au Japon, des peuples qui font la même chose que ce que faisaient les païens de l'Antiquité, on met tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que finalement, les explications qui étaient valables pour parler de l'idolâtrie en Égypte ancienne sont récupérées pour parler de l'idolâtrie au Japon. Alors vous avez toutes sortes de traités comparatifs, on vous explique comment les religions du Japon sont en fait dérivées des mêmes origines que les religions de l'Égypte ancienne, d'où des dieux à tête d'animaux, des choses étranges, d'où les milliers d'idoles qu'on trouve dans les temples de Chine, etc. Et à un moment donné... Il s'agit de faire un peu d'ordre là-dedans, et donc effectivement, les spécialistes de l'Inde, par exemple, vont commencer à parler, et là, effectivement, on est au début du 19e siècle, les spécialistes de l'Inde vont commencer à parler d'hindouisme et plus d'idolâtrie, parce qu'ils comprennent bien que ça ne sert à rien de transposer des explications ou des réflexions qu'on avait pour l'Amérique ou pour la Grèce ancienne au contexte indien, et ainsi de suite. Mais vous remarquerez que ce processus de différenciation a ses limites. Parce que ça marche très bien lorsqu'on invente des termes comme bouddhisme, hindouisme pour parler des religions d'Extrême-Orient, mais qu'on n'a pas inventé de termes particuliers pour parler des différentes formes de religiosité traditionnelle en Afrique ou en Amérique du Sud. Oui, alors, il y a une sorte de mot global, chamanisme, qui exactement. Va à peu près... Et donc, on a gardé ces espèces de mots valises, de mots fourre-tout, qui veulent à peu près rien dire, sinon qu'ils sont un peu plus propres d'usage, mais qui continuent d'être des fourre-tout. Alors on va vous dire, en Amérique du Sud, les gens sont animistes, chamanistes, qui sont des mots qui sont tout aussi bricolés que l'était finalement la notion d'idolâtrie ou la notion de polythéisme. Ce que vous nous indiquez, Daniel Barbu, c'est que ces réflexions viennent à l'évidence principalement d'Europe. Qu'en est-il des intellectuels du monde musulman ? Font-ils le même type de réflexion à la fois sur eux-mêmes, sur leur monothéisme et sur ce qui est autour, ou bien ces interrogations-là sont d'abord et essentiellement européocentrées ? Alors, elles sont d'abord et essentiellement européocentrées. Je pense que c'est une vieille question liée à l'histoire du christianisme. Sauf que, Je ne poserai pas une distinction aussi radicale, si vous voulez, entre ce qui constitue le contexte européen ou méditerranéen et le contexte islamo-musulman. Je pense qu'on est dans une histoire quand même beaucoup plus connectée entre ces contextes. Avec des infusions. Avec des infusions, des influences mutuelles, etc. Et il est évident, du point de vue de l'histoire des religions, si vous voulez, qu'une large part de ce qui va émerger dans la tradition musulmane, notamment comme réflexion sur l'altérité religieuse, est en lien avec les discussions et les théories qui s'étaient développées dans l'Antiquité tardive, en contexte chrétien, un contexte avec lequel les premiers penseurs musulmans d'époque omeyyade et abbasside sont en permanent contexte et échange. Vous voyez, par exemple, un auteur comme Jean de Damas, qui est un saint de l'Église byzantine et l'un des principaux hérésiologues de l'époque byzantine, était aussi un fonctionnaire important de la cour abbasside. Donc, vous voyez, une large partie de la population dans les premiers siècles de l'islam au Moyen-Orient est quand même chrétienne. Il y a une diffusion de textes chrétiens en syriaque qui est énorme et qui est quand même une langue très proche de l'arabe et très facilement accessible aussi pour les auteurs arabes. Donc, si vous voulez, les échanges, les hybridations aussi au niveau des idées et des concepts sont permanentes de ce point de vue-là. Et ajouter à cela, au milieu, si vous voulez, le monde juif, qui est en permanence, justement, lui aussi, dans des faits d'aller-retour entre le contexte moyen-oriental, la Méditerranée et l'Europe, avec des livres qui circulent, qui sont traduits de l'hébreu vers l'arabe, de l'arabe vers l'hébreu, etc. Et vous avez quand même une circulation d'idées et de concepts qui est beaucoup plus large que ce que l'on pourrait penser. Donc je suis pas du tout un partisan de la théorie d'Aristote ou Mont-Saint-Michel, vous l'aurez compris. Précisez-la nous, s'il vous plaît. C'était ce livre qui postulait, il y a peu d'années de ça, qu'il faudrait arrêter de parler de l'importance des Arabes dans la transmission de la philosophie grecque en Occident, car nous avions nos propres manuscrits d'Aristote cachés au Mont Saint-Michel, et donc on ne doit rien à personne. Ah oui, le livre qui est sorti il y a quelques années, exactement, qui a fait polémique. Ouais. Et je pense que c'est tout à fait absurde. C'est pas que nous devons quelque chose à qui que ce soit, c'est que le monde était fait de manuscrits qui circulaient, de textes qui se lisaient, de langues traduites, de traductions de l'hébreu vers l'arabe, etc. Je veux dire, Thomas d'Aquin, l'un des plus grands penseurs du christianisme médiéval, avait lu Maïmonide, avait lu Averroès. On ne lisait pas Aristote sans des commentateurs arabes, etc. Donc, si vous voulez, c'est difficile de placer une sorte de barrière conceptuelle de ce point de vue-là entre ce qu'on appelle aujourd'hui le monde européen et le monde moyen-oriental, le monde musulman. Daniel Barbier, on se retrouve demain pour la suite de cet entretien. On reviendra sur le colloque ou séminaire ? Alors, moi, je l'ai envisagé comme une sorte d'atelier de recherche collectif. Bien. On en reparle demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.